les bourgeois de Calais sortent de la ville pour aller se présenter devant le roi d'Angleterre. Le roi se trouvait à cette heure dans sa chambre, en grande compagnie de comtes, barons et chevaliers. Il apprit alors que ceux de Calais arrivaient dans la tenue qu'il avait expressément prescrite. Il sortit donc et parut sur la place, devant son logis, avec tous ses seigneurs derrière lui. Il y vint en outre une grande foule pour voir les gens de Calais et comment les choses allaient tourner pour eux. Et la reine d'Angleterre en personne suivit le roi son seigneur. Or, voici venir monseigneur Gauthier de Mauny, l'envoyé du roi et d'Artois, et avec lui les bourgeois qui le suivaient. Il descendit de cheval sur la place, s'en vint vers le roi et lui dit « Monseigneur, voici la délégation de la ville de Calais, selon votre volonté. » Le roi ne dit pas un mot, mais jeta sur eux un regard plein de fureur, car il haïssait terriblement les habitants de Calais pour les grands dommages et les contrariétés que, par le passé, il lui avait causés sur mer. Nos six bourgeois se mirent sur le champ à genoux devant le roi et parlèrent ainsi en joignant les mains. « Noble sire et noble roi, nous voici tous les six, d'ancienne bourgeoisie de Calais et importants négociants. Nous vous apportons les clés de la ville du château de Calais et vous les rendons pour en user à votre volonté. Nous-mêmes, nous nous remettons, en l'état que vous voyez, à votre entière discrétion, pour sauver le reste de la population de Calais. Veuillez donc avoir de nous pitié et merci dans votre très haute magnanimité. »